119 ce matin. C'est bon, tout le monde m'entend? Malgré le chien. Parfait. Alors oui, comme Gilles l'a dit, on va tourner dans Marc 3. On va commencer à le lire tout de suite. Contrairement à mon habitude, j'ai tendance à toujours faire une petite intro. Là, on va lire le passage tout de go. Vous allez voir, c'est court. D'habitude, j'hérite toujours de passages longs de 2 km. Là, au moins, j'ai juste 6 versets. On devrait partir d'ici dans 15 minutes. Non, je me plains pas. OK, donc je vais. Donc Jésus entra, je lis dans la version seconde révisée, dite à la colombe, en passant, donc vous allez voir de petites différences. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat, afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis ?» le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Mais ils gardaient le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère et en même temps navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et sa main devint saine. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Fermez pas vos bibles tout de suite, en fait, on va voyager un peu, parce que cet événement-là est relaté dans d'autres évangiles. Marc, c'est un synoptique, tout comme Matthieu et Luc, donc ce passage-là est répliqué dans d'autres évangiles, notamment dans Luc 6, et dans Matthieu 12. Je vais lire le passage parallèle dans Matthieu 12, versets 9 à 15. Vous allez noter de petites différences. Il partit de là et se rendit dans leur synagogue. Il s'y trouva un homme qui avait la main sèche, toujours. On demanda à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? » C'est afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? » Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme, étends ta main, il l'étendit, et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus la prit et se retira de là. Donc on le sait, Christ est venu sur terre pour se manifester à nous, pécheurs, afin de nous apporter le salut. Il n'est pas venu ici juste pour parader, il est vraiment venu pour accomplir une mission. Et devant le témoignage de Jésus, c'est un témoignage qui est clivant. C'est un témoignage qui crée des antagonismes. Donc, devant son témoignage, Jésus, il y a deux réactions qui sont possibles. C'est simple, soit on croit, soit on le rejette. On le rejette à l'exemple de ces pharisiens là qui sont remplis de folie et qui ont voulu controverser avec Jésus sur le fait d'opérer un miracle le jour du sabbat. Une guérison, plus précisément. Et ce matin, là, c'est dans les deux cas qu'on va voir ce matin, c'est vraiment la personne de Christ qui est fondamentale, qui est incontournable. Le salut dépend d'abord de la reconnaissance par le croyant, que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Sans ça, il n'y a pas de salut possible. Donc, Jésus-Christ, Fils de Dieu, sauveur de l'humanité. Et à l'opposé, bien sûr, celui qui rejette le salut le fait en toute conscience, parce qu'il rejette la personne même de Christ. Parce qu'il a rejeté d'emblée la personne de Christ en toute conscience. Et avec Christ, il rejette tout ce qui est venu apporter, entre autres, la promesse d'échapper au jugement de l'enfer éternel. Donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. L'Évangile de Marc met en relief, ça je l'ai dit dans mon passage précédent, ici en avant, je l'avais mentionné, mais je vais le redire un matin. L'Évangile de Marc met vraiment en relief la puissance de Christ, la puissance divine de Christ. Marc insiste beaucoup sur le caractère divin de Christ. Jésus, c'est un serviteur inlassable, bien sûr, de Dieu et de l'homme. Mais ce que Marc montre en particulier, c'est qu'il y a une vie qui est riche en bonnes œuvres de toutes sortes, et particulièrement en œuvres merveilleuses. Merveilleuses dans le sens surnaturel. Et le récit de Marc va nous montrer Jésus qui va de lieu en lieu, qui fait toutes sortes de miracles, qui fait le bien et qui guérit tous ceux qui sont sous l'oppression du diable. On se souvient, à l'époque, on fait très peu de différence entre une maladie et une possession démoniaque. Ça relève du même mot. Dans le livre de Marc, ce qu'il y a de particulier aussi, c'est qu'il y a 19 miracles qui sont relatés. Pourquoi encore? C'est toujours pour démontrer que Jésus-Christ détient la puissance divine, la puissance surnaturelle du Seigneur. Dieu est avec lui. Jésus est agréé de son Père, c'est ça que ça démontre. Et son Père lui a donné le pouvoir d'exercer quoi? Le jugement. Parce que Christ est le Fils de l'homme. C'est mentionné d'ailleurs dans Jean 5:27, cette doctrine-là que je viens de mentionner. Donc le passage de ce matin, dans Marc 3, 1 à 6, qu'on vient tout juste de lire, ça s'inscrit dans cette trame générale-là de l'Évangile de Marc. Il est question d'un miracle encore aujourd'hui. Mais contrairement à tous ceux qu'on a vus auparavant, Jésus ne va pas accomplir ce miracle-là dans la liesse générale, dans l'allégresse. Au contraire, c'est au milieu d'une forte opposition qu'il va le faire. Et il va l'accomplir, ce miracle-là, en fonction d'un jugement qu'il exerce. Sur qui? Sur les pharisiens, sur ses opposants, sur ses ennemis. On le voit, l'action se déroule au milieu d'une synagogue où on sait que les pharisiens ont beaucoup d'influence. C'est ce qui ressort du texte de Matthieu où il est mentionné qu'il s'agit de leur synagogue, donc la synagogue des pharisiens. Et Jésus va s'y retrouver à l'occasion du sabbat. Et dans l'édifice se trouvent déjà ses accusateurs. Et en face de Jésus, il y a deux manifestations de la misère humaine qui s'offrent à lui. Il y a l'infirmité, mais il y a aussi l'orgueil. Et la présence de l'homme à la main desséchée, à la main paralysée, en fait, ça doit fournir aux ennemis de Jésus une occasion de pouvoir l'accuser. Et ici, on peut aisément faire le lien avec la parole prophétique de Psaume 37-32 qui se trouve ici un accomplissement. Le méchant épie le juste et cherche à le faire mourir. Qu'est-ce que font les pharisiens ici, là? Mais Jésus, il est quand même venu pour guérir l'infirmité. Et c'est sûrement pas l'orgueil religieux de ses ennemis qui vont l'en empêcher. C'est ainsi que Jésus va se servir d'une occasion, de cette occasion-là, pour montrer que son amour va bien au-delà des limites imposées par, disons-le, une interprétation rigide et dévoyée de la loi. Parce que le ministère de Jésus, c'est un ministère de grâce. Et son amour et sa puissance divine le poussent constamment à se dévouer. Et bien sûr, il ne peut pas se laisser enfermer dans les fourberies et dans le conformisme des hommes. Ce n'est pas dans sa nature. Donc, quand il va ordonner à l'homme de se lever et de se placer au centre de la synagogue, Jésus relève sciemment le défi qui est lancé par les pharisiens. Et telle est la question que Jésus leur lance. Est-ce qu'il est permis de faire du bien ou du mal le jour du sabbat. Ce qui est intéressant, c'est que les pharisiens sont immédiatement pétrifiés par cette question-là. Parce que Jésus les domine complètement ici. Si on réfléchit bien, le cœur et la conscience imposeraient aux pharisiens de répondre oui ici. Est-il permis de faire le bien le jour du sabbat? Oui. Oui, il est permis de faire du bien. Mais s'ils font ça, ce serait reconnaître l'autorité de Jésus, leur ennemi. Et ça, ils ne sont pas disposés à le faire. Ils ne peuvent pas non plus répondre non. S'ils répondent non, ils rejettent la loi qui est l'objet de tant de dévotion de leur part. Donc, les pharisiens gardent le silence. Et vraiment, leur refus de répondre ici, ce n'est pas nécessairement de la couardise, c'est plutôt, ça témoigne de la dureté de leur cœur. Ça témoigne de leur rigorisme et de leur conception hypocrite de la religion qui les pousse toujours à vouloir surveiller uniquement le respect de la loi, c'est-à-dire les actes, sans tenir compte de son esprit, c'est-à-dire l'intention de Dieu derrière la loi. Et leur attitude est toute centrée sur l'ostentation de la dévotion, ce qui pervertit la loi divine telle qu'elle a été conçue. La loi divine qui est pourtant sainte, qui est juste, qui est bonne, entre les mains des pharisiens, entre les mains de tels religieux, elle devient un obstacle à l'accomplissement du bien. Mais Jésus connaît le fond de leur pensée. Et celle des pharisiens, plutôt, ne lui échappe pas. Et ce qu'ils voient dans leur pensée, ça l'attriste. Parce que ses opposants ressemblent en tout point aux mauvais bergers d'Israël qui sont critiqués par le prophète Ézéchiel 34, 1 à 6. Je ne le lirai pas, vous irez le lire, mais vous allez voir que les pharisiens correspondent en tout point à ces mauvais bergers qui portent préjudice à Israël, au peuple tout entier. Voilà, on est présent, on a Jésus qui se présente, qui propose de faire du bien à un malheureux, et eux autres, les pharisiens, restent là sans pipi mot. Est-ce qu'ils seraient indifférents au sort de leur brebis? Ou juste orgueilleux? Ou les deux? Donc, devant le silence de ses ennemis, Jésus est rempli d'indignation. On peut penser que Jésus se met en colère ici et que c'est pas bien de se mettre en colère, mais dites-vous que la colère fait partie des perfections divines. C'est l'indignation que Dieu éprouve en présence du péché. Le péché est repoussant pour la nature divine, qui est parfaite, elle. Et on comprend aisément les sentiments de Jésus devant l'endurcissement de ses soi-disant bergers, qui sont insensibles au sort de leurs semblables, qui sont insensibles à la souffrance des autres, et qui sont hostiles à Jésus lui-même. Jésus, qui est amour, qui vient leur porter le message de la libération et qui est méprisé par ces mêmes pharisiens-là. Jésus est indigné pour toutes ces raisons-là. Mais Jésus lui-même, il est différent de ses pasteurs, de ses bergers corrompus. Lui-même, c'est l'image du bon berger. Lui-même, il est venu prendre soin véritablement du troupeau. Lui-même est venu soulager les opprimés. Lui-même est venu fortifier les malades. Et il va le démontrer sur le champ en ordonnant à l'homme infirme d'étendre la main. Déjà là, c'est pas évident de le faire pour l'infirme, mais il le fait. Et on remarque que l'infirme fait preuve de foi ici. Parce qu'il donne, en étendant sa main, il donne une preuve de sa foi. Il choisit d'obéir à Jésus sans rouspéter, il le fait parce que Jésus lui demande de le faire. Et c'est cette preuve-là qui permet à Jésus de le guérir, l'infirme, de sorte que sa main est complètement rétablie, nous dit le texte, immédiatement. Donc, c'est vraiment une évidence de la grâce et de la puissance divine qui se manifeste ici. Mais ses ennemis ne se réjouissent pas, eux. Pourtant, ils devraient se réjouir avec l'infirme qui vient d'être guéri, mais non, les pharisiens ne se réjouissent pas, eux. Et pas plus qu'ils vont reconnaître l'autorité du Fils de l'homme divin. Ils ne font pas plus ça. Au lieu de ça, ses ennemis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne répondent que par un conseil pour comploter sa mort. Ça, c'est leur réponse. Et la haine commune de Jésus va réconcilier même deux factions ennemies, les pharisiens et les hérodiens. D'habitude, ces gens-là se détestent. Et là, parce que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, ils vont faire front commun. C'est beau ce que la haine, ça peut accomplir. On peut se demander aussi pourquoi ces pharisiens-là, pourquoi ces hérodiens, pourquoi ces opposants à Jésus persistent-ils dans leur rejet du message d'amour alors qu'ils viennent de voir un signe, alors qu'ils viennent de voir Jésus délivrer un malade qui était incurable, un miracle éclatant, quelque chose d'irréfutable. On ne pouvait pas nier que Jésus avait accompli quelque chose d'extraordinaire ici. Alors, si Jésus a fait des miracles, pourquoi bon nombre de ceux qui ont assisté à ces miracles-là, qui en ont été témoins, ont-ils rejeté son autorité? On peut se poser cette question-là. Mais on sait que ça concerne tout d'abord la personne de Jésus. Les miracles ici sont une question secondaire. Ils ont rejeté Jésus, ces gens-là. Ils persistent dans leur opposition à Jésus parce qu'ils le perçoivent comme étant un faux prophète. Et ce qui est fondamental, c'est vraiment leur obstination à rejeter la nature divine de Jésus ici. À rejeter aussi forcément la mission qu'il est venu accomplir sur terre. Les signes et les prodiges accomplis par Jésus, pour eux, ça n'avait aucune importance. Parce que selon leur conception, un faux prophète peut tout aussi bien accomplir des signes en se servant de la puissance des ténèbres. Mais leur cécité, leur acharnement à rejeter Jésus, là, les empêchait de discerner ceci. Jamais dans l'histoire biblique, la puissance du diable n'a été employée pour faire le bien, pour produire quelque chose qui soit conforme à la volonté divine. Jamais ça a été fait. La puissance du mal a toujours été utilisée pour commettre le mal et les œuvres du mal. Or, tout ce que Jésus a accompli dans son ministère était parfait, tout comme Dieu lui-même est parfait. Et c'est avant tout par son exemple de vie parfaite, sans péché, que Jésus a pleinement acquis toutes les caractéristiques divines. Donc, comment dans ces conditions-là, le bien aurait-il pu contribuer au mal? Je l'ai dit plus tôt, le Seigneur agit en bonté envers l'homme, dans toutes les circonstances. Mais l'aveuglement des opposants de Jésus, ça ne se rapportait pas qu'au miracle. Il rejetait également son enseignement à propos des prophéties, à propos de son autorité en tant que Verbe divin. Mais Jésus accomplissait malgré tout toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui le concernaient. Mais l'entêtement de ses ennemis était trop obscurci pour le remarquer. On a l'exemple des pharisiens, des hérodiens, des opposants de Jésus qui ont rejeté son témoignage, mais si on se projette sur le plan contraire, s'il y en a qui ont rejeté Jésus, d'autres ont cru en lui. Et on va maintenant en parler. Parce qu'au contraire des hommes qui ont rejeté le témoignage de Jésus-Christ, parce qu'il a guéri un malade le jour du sabbat, au scandale, d'autres ont cru en lui, en tant que fils de Dieu et en tant que Messie. Bon, hormis le cas des disciples qui est spécial, les évangiles nous relatent quelques cas de personnes qui ont vécu un processus de conversion intérieure et qui vont s'ouvrir au message de Christ et qui vont entrer dans une relation personnelle avec lui. On peut citer pour l'exemple Jaïrus ou Bartimée, l'aveugle de Jéricho. Ce qu'on remarque dans chacun de ces cas-là, c'est le lien indissociable entre Christ et le salut. C'est la foi qui sauve C'est la foi qui conduit au royaume de Dieu. Mais c'est d'abord lié, ça commence d'abord par un attachement sincère du croyant à la personne de Christ, dans cet ordre-là et non dans l'ordre contraire. Christ d'abord, le salut ensuite. Toujours. Je peux vous parler du pharisien Nicodème parce que c'est un pharisien et il n'agit pas comme les autres pharisiens, lui. Devant Jésus, Nicodème a une attitude toute différente. Il reconnaît Jésus comme un envoyé de Dieu. Il est désireux de s'instruire auprès de lui. Il se présente à lui avec humilité. Et à cause de cette attitude-là, Jésus ne le repousse pas. Il va même lui consacrer un long, très long entretien dans Jean 3, dans lequel Jésus va lui révéler que pour entrer dans le royaume de Dieu, il est nécessaire de croire à qui? Au Fils de l'homme, à lui-même, Christ, le Seigneur et Sauveur. Et à l'époque de Jean 3, Nicodème est encore, disons-le, un homme à la fois imparfait qui accorde encore beaucoup d'importance aux signes que Jésus accomplit. Mais cependant, on peut dire que Nicodème est en chemin. Parce qu'il va y avoir deux autres apparitions de Nicodème plus tard, au chapitre 7 et au chapitre 19 de l'Évangile de Jean. Et il va jusqu'à terminer par ensevelir le corps de Jésus. Je peux vous parler aussi plus tard, après la résurrection de Jésus. Plusieurs Juifs vont être touchés en même temps à la Pentecôte et vont reconnaître que Jésus était le Messie promis et attendu. Sur la base des déclarations de Pierre, ce discours de la Pentecôte, ça nous est rapporté dans Actes 2. Et encore une fois, c'est le même processus qui s'applique. Les mêmes étapes. Tous ont reconnu Christ d'abord. Et ensuite, ils se sont repentis. Parce que Christ, c'est le chemin obligé vers le salut. C'est le seul chemin. Quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Je ne me sauve pas d'abord, puis j'invoque le nom du Seigneur ensuite. Vous comprenez qu'il y a un ordre ici. Je commence au verset 22, je vais vous le lire et je vais skipper des versets. Je vous rapporte le passage. « Israélite, c'est Pierre qui parle. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. » Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Je saute au verset 32. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit-Saint qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Je passe à 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et voici quelle fut la réponse de ceux qui ont entendu ce discours-là. Et au contraire, tout le contraire des pharisiens incrédules, ceux-là sont maintenant gagnés à Christ. Tout ça sur la base des paroles de Pierre, et ils sont prêts à recevoir le salut. Donc, verset 37. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Non pas le cœur de Pierre des pharisiens, eux. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » À cette occasion-là, l'Église venait de se former. Et aujourd'hui encore, elle rassemble tous ceux qui ont accepté le témoignage de Jésus-Christ sur la base de la parole de ceux qui ont rédigé les Écritures, qui parlent de Jésus, afin que nous soyons sauvés. Ce qui m'amène à vous parler du salut. parce que le salut, c'est accessible uniquement par Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le but de l'Évangile de Marc, c'est indiqué dès le premier verset. Présenter Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et ce thème-là va atteindre son zénith, son point, son paroxysme, au chapitre 8, verset 29. À la question de Jésus, « Qui dites-vous que je suis? » Pierre répond franchement, « Tu es le Christ, tu es le Messie. » Et vraiment, cette confession-là, ça constitue l'apogée doctrinale de tout l'Évangile. Et même de la Bible en entier, pourrait-on dire. Parce que ce qui précède cette confession-là converge. Toute l'histoire biblique converge vers ça. Et ce qui va suivre, ça en découle. Et ça continue de le développer. Parce que c'est au moment de sa mort, puis c'est au moment de sa résurrection que Jésus va vraiment révéler sa vraie nature. Il est pleinement Fils de Dieu, avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, nous dit Romains 1, verset 4. Qui donc est-il? Qui est donc Jésus-Christ? Cette question est vitale, puisque la réponse des hommes à cet appel-là, que lance le Seigneur Jésus à propos de lui-même, ça détermine leur destinée éternelle. Quelle est la réponse que vous allez donner à cette question-là? Parce que ceux qui rejettent cet appel vont subir le jugement divin. Et c'est une certitude, c'est une promesse. Donc, si on veut répondre à la question, Jésus est le Christ. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Sauveur. Jésus est Seigneur. Il est Dieu incarné en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2:9. Jésus a créé toutes choses. Il soutient la création. Il ressuscite les morts. Il pardonne les péchés. Et sa parole subsiste à jamais. Donc, pour être sauvé, pour obtenir le pardon des péchés, il faut donc le confesser. Il faut donc témoigner publiquement que Jésus est Christ. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui, autrement qu'en passant par lui. Hein? Jean 14, 6. Mais pour les pharisiens, l'affaire était déjà conclue. L'affaire était entendue. Pour eux, Jésus, c'était un imposteur. Et aucun signe, aucune parole, aucun jugement, aucune vérité ne les a fait sortir de leur refus. Un refus qu'on pourrait qualifier d'acharné. Et ce refus-là n'est pas propre qu'aux pharisiens. Aujourd'hui encore, et plus que jamais, cette attitude-là de refus, ça persiste parmi les gens qui nous entourent quand on leur parle de Christ. Pour la plupart des gens qui nous entourent, Christ n'est qu'un homme qui est mort, un homme spécial peut-être, mais un homme. Ça, c'est pour ceux qui avouent du bout des lèvres que Jésus a déjà existé. Parce que pour proclamer que Jésus est Christ, que Jésus est Dieu, il faut aussi croire en un livre auquel on croit de moins en moins et qui pose problème pour bien des gens. Ce ramassis de vieillerie qu'on appelle la Bible. Il faut croire en ça aussi. Vous ne pouvez pas croire en Jésus, vous ne pouvez pas proclamer que Jésus est Christ si vous ne croyez pas en sa parole. Donc, nos contemporains persistent dans ce refus-là à propos de Jésus. Pourtant, ils disposent de cette même parole de Dieu qui témoigne clairement que Jésus-Christ est Dieu. Ils ont le témoignage de la création tout autour d'eux qui les rend inexcusables. Ils ont le témoignage de l'Église qui, partout sur la terre, proclame le nom de Jésus-Christ. Et pourtant, nos contemporains continuent, tout comme les pharisiens, de mépriser ce témoignage-là, de mépriser la parole de Christ et de mépriser la personne de Christ et de mépriser forcément son salut et de mépriser Dieu à travers tout ça. Ils continuent de le mépriser, ils vont continuer de le mépriser jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Tant pis pour eux, parce que ce n'est pas pour eux que Jésus est venu sur terre. Ce n'est pas pour eux que Jésus s'est sacrifié sur la croix. Ce n'est pas pour leur pardon à eux qu'il est venu. Ce sacrifice suprême-là, Jésus l'a fait pour ses enfants. Pour tous ceux qui ont reconnu qui il était et qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est venu pour tout le monde, à condition qu'il l'accepte. Ceux qui l'ont rejeté, qu'est-ce qu'il va leur dire? Retirez-vous de moi, maudit. Donc, le jugement, là, c'est une réalité aussi tangible que le salut en Jésus-Christ. C'est aussi réel, c'est aussi certain que le salut en Jésus-Christ. Et là, je m'adresse ici à vous, à toi, ce matin, qui n'a pas encore ce salut-là que Jésus t'offre gratuitement. Je t'invite à écouter très attentivement. Tu as peut-être été distrait jusqu'à maintenant, mais si c'est le temps d'écouter, c'est maintenant. Le jugement, c'est la condamnation éternelle pour tous les non-croyants, pour tous ceux qui agissent à l'exemple des pharisiens et qui rejettent Jésus-Christ et qui refusent l'amour et la délivrance de Christ. Et cette responsabilité de croire ou de ne pas croire, c'est toi qui la portes entièrement. Ce n'est pas Dieu qui décide à ta place ici. Parce que tout être humain face à la lumière, il choisit de venir à elle ou il choisit de la fuir par haine. L'initiative vient de Jésus. Il présente la lumière. C'est lui qui offre le salut à l'homme. C'est lui qui lui donne le choix d'adhérer ou non à une vérité qu'il dépasse, qui dépasse le croyant. Cette vérité-là qui s'adresse à sa conscience. Cette vérité-là qui lui demande de se réconcilier avec Dieu grâce au pardon des péchés. Jésus a vécu une vie parfaite. Cette vie parfaite-là l'a qualifié pour être notre substitut, qui porte le jugement de Dieu pour nos péchés. Par sa mort sur la croix, Jésus a accompli l'expiation. Et à cause de ça, tous ceux qui croient en lui sont pardonnés définitivement, et j'insiste sur le mot « définitivement », une fois pour toutes. Une fois que vous êtes pardonnés, on n'y revient plus. Vous êtes pardonnés pour toujours. Vos transgressions ne sont plus comptées, et le plus important, vous vous installez dans une paix perpétuelle avec Dieu. Jean 3, 16 à 18. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Pourquoi Jésus-Christ devait-il mourir sur la croix? Parce que l'être humain est pécheur, et l'être humain ne peut pas se sauver lui-même. Parce que tout le bien qu'il peut faire, ça ne parvient pas à effacer le moindre de ses péchés. Sa nature reste souillée. Et pour changer tout ça, il faut le sang de Jésus. Donc, tout être humain qui accepte l'œuvre expiatoire de Jésus, de Christ en sa faveur, il cesse immédiatement d'être l'ennemi de Dieu. Il devient au contraire un membre de sa famille. Je m'adresse à nouveau à toi qui hésite peut-être à répondre à cet appel-là. Peut-être que tu n'as pas tout compris. Il faut que tu saches que ce n'est pas important aux yeux de Dieu. Parce que seule la foi au Fils de Dieu est importante ici. C'est pas la connaissance, c'est vraiment la foi au nom du Fils de Dieu. C'est elle qui est suffisante pour te sauver. Si tu te sais pécheur et que tu crois avoir besoin du pardon de Dieu, ne le refuse pas. N'hésite pas tout de suite à invoquer le nom du Seigneur Jésus afin de recevoir le salut. Moi-même, quand je l'ai accepté, j'étais enfant. Et j'étais loin de comprendre tout ce qui se passait. J'étais loin de comprendre toutes ces vérités-là. Mais j'ai fait confiance à ceux qui m'ont parlé de Jésus et j'ai cru sur la base du témoignage qui m'a été donné. Et c'est comme ça que j'ai accepté Christ. Le Seigneur m'a sauvé et le Seigneur peut faire la même chose pour toi. Donc Jésus nous appelle ses amis si on reçoit son témoignage et si on garde ses commandements. Jésus nous le déclare dans Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai en lui. Et pour être aimé de Christ, il suffit seulement de croire en sa parole et de croire Dieu qui l'a envoyé. Jésus lui-même nous le déclare. Celui qui accepte son témoignage a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. En revanche, celui qui rejette Christ rejette aussi Dieu. Et ce rejet-là est assimilé à la haine de Dieu dans Jean 5, 23. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Ils sont inexcusables, ces gens-là, qui rejettent Christ. On ne peut pas aimer Dieu et rejeter Christ, ou on ne peut pas rejeter Christ et aimer Dieu et vice-versa. Sont inexcusables à cause du témoignage de la parole. Une fois que tu as lu, une fois que tu as appris qu'elle était, tu as pris connaissance du message de Christ, tu es devant un choix. Tu es devant un choix. Tu crois ou tu ne crois pas. Tu adhères ou tu rejettes. Tu gardes le commandement de Jésus ou tu le méprises. Personne ne peut l'ignorer ici. Et nul, comme on dit, nul ne peut ignorer la loi. Ici, nul ne peut prétendre ignorer l'appel de Jésus pour le pardon des péchés. C'est Jésus qui parle. « Si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vues et ils ont haï, et moi, et mon Père. » C'est ainsi que Jésus te parle de ceux qu'il rejette. Donc, toi qui hésites encore à confier ta vie au Seigneur, ne sois pas en opposition à Christ. Ne résiste pas. Sors de cette cité de perversion. Sors de cette cité remplie de folie et de fureur, habitée par les pharisiens d'aujourd'hui, qui sont aussi dédaigneux et aussi méprisants que les anciens. Parce que toute cette méchanceté-là vient de l'ennemi, vient du diable, vient de l'adversaire. Et cette méchanceté-là, elle est déjà condamnée à la damnation éternelle, à cet enfer qui est réservé au diable et à ses anges, à tous ceux qui ont rejeté Christ. Et ne cours pas le risque de t'y retrouver parce qu'il est permis de vivre une seule fois. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est sans rémission. Donc, ne méprise pas cet appel-là. Ne fais pas ce que tout le monde autour de nous font, tous les gens autour de nous font, dans ce monde qui court un peu plus à chaque jour à sa perte. Au contraire, Jésus est là, Jésus t'offre le salut. Reçois-le afin d'échapper à cette génération perverse et corrompue. Amen.